2022, et la guerre n'a pas eu lieu. Pas révolution, pas de guerre civile, pas de nettoyage, pas de feu. On est en 2022.